Thank you. 这回去。 The phone I can see the eye. There's no saying how. J'écoute le vent siffler sous le toit. La nuit tombe, mais tu n'es pas là. Mon cœur chagrin ne pense qu'à toi. J'allume la lampe qui te guidera sur le chemin de la maison. Tout attend, même le chat. J'ajoute ta mélodie. Sur la table j'allume ses bougies. Le chien près de la porte assis, les oreilles dressées, écoute la nuit. Sur le piano j'ajoute ta mélodie. Sur la table j'allume les bougies. Le chien près de la porte. Mon cœur blessé pleure pour toi, et tous les soirs la même cérémonie se répète à l'infini. Pour toi je voudrais ouvrir le ciel, dévoiler le soleil qui chaîne l'océan. Je voudrais pour toi dans ton ciel d'orage chasser les nuages, passer les chagrins. Sur le piano, je joue ta mélodie. Sur la table, j'allume ses bougies. Le chien près de la porte assis, les oreilles dressées. Sur la table, j'allume les bougies. Le chien près de la porte assis, les oreilles dressées toute la portera tes pensées. Dis-moi si un jour mon île sauvera du naufrage. Sur le piano, je joue ta mélodie. Sur la table, j'allume ses bougies. La porte ainsi, les oreilles dressées, écoute la nuit.